Les mystères de Dolph, chapitre 11. L'avarice de Madame Chéron céda enfin à sa vanité. Quelques repas splendides donnés par Madame Clerval, l'adulation générale dont elle était l'objet, augmentèrent l'empressement de Madame Chéron pour assurer une alliance qui l'élèverait tant à ses propres yeux et à ceux du monde. Elle proposa le mariage prochain de sa nièce et offrit d'assurer la dot d'Émilie, pourvu que Madame Clerval en fît autant pour son neveu. Madame Clerval écouta la proposition et, considérant qu'Émilie était la plus proche héritière de Madame Chéron, elle l'accepta. Émilie ignorait ses arrangements quand Madame Chéron l'avertit de se préparer pour ses noces, qui devaient se faire incessamment. Émilie, surprise, ne concevait pas le motif d'une si soudaine conclusion, que Valancourt ne sollicitait point. En effet, ne sachant rien des conventions des deux tantes, il était loin d'espérer un si grand bonheur. Émilie montra de l'opposition. Madame Chéron, aussi jalouse de son pouvoir qu'elle l'avait déjà été, l'insista sur son prompt mariage avec autant de véhémence qu'elle en avait rejeté d'abord les moindres apparences. Les scrupules d'Émilie s'évanouirent quand elle vit Valancourt instruit alors de son bonheur, venir la conjurer de lui en confirmer l'assurance. Tandis qu'on faisait les préparatifs de ses noces, Montoni devenait l'amant déclaré de Madame Chéron. Madame Clerval fut très mécontente quand elle entendit parler de leur prochain mariage et voulait rompre celui de Valancourt avec Émilie. Mais sa conscience lui représentait qu'elle n'avait pas le droit de la punir des torts d'autrui. Madame Clerval, quoique femme du grand monde, était moins familiarisée que son amie avec la méthode de tirer sa félicité de la fortune et des hommages qu'elle attire plutôt que de son propre cœur. Émilie observa avec intérêt l'ascendant que Montoni avait acquis sur Madame Chéron, aussi bien que le rapprochement de ses visites. Son opinion sur cet Italien était confirmée par celle de Valancourt, qui avait toujours exprimé son extrême aversion pour lui. Un matin qu'elle travaillait dans le pavillon, jouissant de la douce fraîcheur du printemps, dont le coloris se répandait sur le paysage, Valancourt lui faisait la lecture et posait souvent le livre pour se livrer à la conversation. On vint lui dire que Madame Chéron la demandait à l'instant. Elle entra dans son cabinet et compara avec surprise l'air abattu de Madame Chéron et le genre recherché de sa parure. « Ma nièce, dit-elle, et elle s'arrêta avec un peu d'embarras, « je vous ai envoyé chercher. Je voulais vous voir. J'ai une nouvelle à vous dire. De ce moment, vous devez considérer M. Montoni comme votre oncle. Nous sommes mariés de ce matin. » Montoni prit possession du château avec la facilité d'un homme qui depuis longtemps le regardait comme le sien. Son ami Cavigny l'avait singulièrement servi en rendant à Madame Chéron les soins et les flatteries qu'elle exigeait et auxquelles Montoni avait souvent peine à se plier. Il eut un appartement au château et fut obéi des domestiques comme le maître l'était lui-même. Peu de jours après, Madame Montoni, comme elle l'avait promis, donna un repas très magnifique à une compagnie fort nombreuse. Valancourt s'y trouva. Mais Madame Clerval s'excusa d'en être. Il y eut concert, bal et souper. Valancourt, comme de raison, dansa avec Émilie. Il ne pouvait examiner la décoration de l'appartement sans se rappeler qu'elle était faite pour d'autres fêtes. Cependant, il tâchait de se consoler, en pensant que sous peu de temps, elle reviendrait à sa destination. Toute la soirée, Madame Montoni dansa. rit et parla sans cesse. Montoni, silencieux, réservé, hautain même, semblait fatigué de cette représentation et de la frivole société qui en était l'objet. Ce fut le premier et dernier repas donné à l'occasion de ses noces. Montoni, que son caractère sévère, son orgueil silencieux, empêchait d'animer ses fêtes, était pourtant très disposé à les provoquer. Rarement trouvait-il dans les cercles un homme qui eût plus de talent ou plus d'esprit que lui. Tout l'avantage dans ces sortes de réunions était donc toujours de son côté. Peu de semaines s'étaient écoulées depuis ce mariage quand Madame Montoni fit part à Émilie du projet qu'avait son mari de retourner en Italie. Aussitôt que les préparatifs du voyage seraient faits, « Nous irons à Venise, » dit-elle. « Monsieur Montoni y possède une belle maison. Nous ferons ensuite à son château en... Nous irons ensuite à son château en Toscane. Pourquoi prenez-vous donc un air si sérieux, mon enfant, vous qui aimez tant les pays romantiques et les belles vues? Vous devriez être ravi de ce voyage. » « Est-ce que je dois en être ?» dit Émilie avec autant d'émotion que de surprise. « Oui, certainement, » répliqua sa tante. « Comment pouvez-vous imaginer que nous vous laissions ici ?»« Ah, je vois que vous pensez au chevalier. Je ne crois pas qu'il soit instruit du voyage, mais il le sera sûrement bientôt. Monsieur Montoni est sorti pour en faire part à Madame Clerval et lui annoncer que les nœuds proposés entre nos familles sont absolument rompus. L'insensibilité avec laquelle Madame Montoni apprenait à sa nièce qu'on la séparait, peut-être pour toujours, de l'homme à qui elle allait s'unir pour la vie, ajouta encore au désespoir où la jeta cette nouvelle. Quand elle put parler, elle demanda la cause d'un pareil changement envers Valancourt. Et l'unique réponse qu'elle obtint fut que Montoni avait défendu ce mariage, attendu qu'Émilie pouvait prétendre à de bien plus grands partis. Émilie était trop affligée pour employer la représentation ou la prière. Quand, à la fin, elle voulut essayer ce dernier moyen, la parole lui manqua. Et elle se retira dans sa chambre pour réfléchir si cela était possible, à un coup si subit, et si accablant. Il se passa longtemps avant que ses esprits fussent assez remis pour lui permettre une réflexion. Mais celle qui se présenta fut triste et terrible. Elle jugea que Montoni voulait disposer d'elle pour son propre avantage. Elle pensa que son ami Cavigni était la personne pour laquelle il s'intéressait. La perspective du voyage d'Italie devenait encore plus fâcheuse quand elle considérait la situation troublée de ce pays, déchirée par des guerres civiles, en proie à toute faction, et dans lequel chaque château se trouvait exposé à l'invasion d'un parti opposé. Elle considéra à quelle personne sa destinée allait être commise, à quelle distance elle allait être de Valancourt. À cette idée, toute image s'évanouit devant elle, et la douleur confondit toutes ses pensées. Elle passa quelques heures dans cet état de trouble, et quand on l'avertit pour dîner, elle fit faire ses excuses. Madame Montoni était seule et les récusa. Émilie et sa tante parlèrent peu pendant le repas. L'une était absorbée dans sa douleur, l'autre gonflée de dépit à cause de l'absence inattendue de Montoni. Sa vanité était piquée de cette négligence, et la jalousie l'alarmait surtout sur ce qu'elle regardait comme un engagement mystérieux. Quand on sortit de table et qu'elles furent seules, Émilie reparla de Valancourt. Mais sa tante, aussi insensible à la pitié qu'au remords, devint presque furieuse de ce qu'on mettait en question son autorité et celle de Montoni. Émilie, qui avait évité avec sa douceur ordinaire une longue et déchirante conversation, la soutint et se retira chez elle, tout en larmes. En traversant le vestibule, elle entendit quelqu'un entrer par la grande porte. Elle y jeta rapidement les yeux, crut voir Montoni, et doubla le pas. Mais elle reconnut bientôt la voix chérie de Valancourt. « Émilie, oh Émilie ! » s'écria-t-il d'un ton qu'étouffait l'impatience, à mesure qu'il avançait, et qu'il découvrait les traces du désespoir dans les traits et l'air d'Émilie en pleurs. « Émilie, il faut que je vous parle, » dit-il, « j'ai mille choses à vous dire. Conduisez-moi quelque part où nous puissions causer en liberté. Vous tremblez, vous n'êtes pas bien. Laissez-moi vous conduire à un siège. » Il vit une porte ouverte et prit vivement la main d'Émilie pour l'entraîner dans cet appartement. Mais elle essaya de la retirer et lui dit avec un sourire languissant, « Je suis déjà mieux. Si vous voulez voir ma tante, elle est dans le salon. « C'est à vous que je veux parler, mon Émilie, » répliqua Valancourt. « Grand Dieu, en êtes-vous déjà à ce point? Consentez-vous si facilement à m'oublier? Cette salle ne nous convient point, j'y puis être entendu. Je ne veux de vous qu'un quart d'heure d'attention. » « Quand vous aurez vu ma tante, » dit Émilie. « J'étais assez malheureux en venant ici, » s'écria Valancourt. « Ne comblez pas ma misère par cette froideur, par ce cruel refus. » L'énergie avec laquelle il prononça ces mots la toucha jusqu'aux larmes, mais elle persista à refuser de l'entendre, jusqu'à ce qu'il eût vu Madame Montoni. « Où est son mari? Où est-il, ce Montoni ?» dit Valancourt d'une voix altérée. « C'est à lui que je dois parler. » Émilie, effrayée des conséquences et de l'indignation qui étincelait dans ses yeux, l'assura d'une voix tremblante que Montoni n'était pas à la maison, et le conjura de modérer son ressentiment. Aux accents entrecoupés de sa voix, les yeux de Valancourt passèrent à l'instant de la fureur à la tendresse. « Vous êtes mal, Émilie, dit-il. Ils nous perdront tous deux. Pardonnez-moi si j'ai osé douter de votre tendresse. » Émilie ne s'opposa plus à ce qu'il la conduisit dans un cabinet voisin. La manière dont il avait nommé Montoni lui avait donné de si vives alarmes sur le danger que lui-même pouvait courir, qu'elle ne songea plus qu'à prévenir sa vengeance et ses affreuses suites. Il écouta ses prières avec attention, et n'y répondit qu'avec des regards de désespoir et de tendresse. Il cacha de son mieux ses sentiments pour Montoni, et s'efforça d'adoucir ses terreurs. Elle distingua le voile dont il couvrait son ressentiment, et son apparente tranquillité la troubla encore davantage. Émilie s'efforça de le calmer par les assurances d'un attachement inviolable. Elle lui représenta que dans un an environ, elle serait majeure et que son âge, alors, la ferait sortir de tutelle. Ces assurances consolaient peu Valancourt. Considérez qu'elle serait alors en Italie et au pouvoir de ceux dont la puissance sur elle ne cesserait pas avec leurs droits. Il s'efforça pourtant d'en paraître satisfait. Émilie, remise par la promesse qu'elle avait obtenue et par le calme qu'il lui montrait, allait enfin le quitter quand sa tante entra dans la chambre. Elle lança un coup d'œil de reproche sur sa nièce, qui se retira au même instant, et un de mécontentement et de hauteur sur le malheureux Valancourt. « Ce n'est pas la conduite que j'attendais de vous, monsieur, » lui dit-elle. « Je ne m'attendais pas à vous revoir dans ma maison, après qu'on vous aurait informé que vos visites ne m'étaient plus agréables. Je pensais encore moins que vous chercheriez à voir clandestinement ma nièce et qu'elle consentirait à vous recevoir. » Valancourt, voyant qu'il était nécessaire d'établir la justification d'Émilie, assura que l'unique dessein de sa visite avait été de demander un entretien à Montoni. Il en expliqua le motif avec la modération que le sexe, tôt que le caractère de Madame Montoni, pouvait exiger de lui. Ses prières furent reçues avec aigreur. Elle se plaignit que sa prudence eût cédé à ce qu'elle appelait sa compassion. Elle ajouta qu'elle sentait si bien la folie de sa première condescendance que, pour en prévenir le retour, elle remettait entièrement cette affaire à M. Montoni seul. L'éloquence sentimentale de Valancourt lui fit enfin concevoir l'indignité de sa conduite. Elle connut la honte, mais non pas le remords. Elle sut mauvais gré à Valancourt de l'avoir réduite à cette situation pénible, et sa haine croissait avec la conscience de ses torts. L'horreur qu'il lui inspirait était d'autant plus forte que, sans l'accuser, il la forçait de se convaincre elle-même. Il ne lui laissait pas une excuse pour la violence du ressentiment avec lequel elle le considérait. À la fin, sa colère devint telle que Valancourt se décida à sortir sur le champ pour ne pas perdre sa propre estime dans une réplique peu mesurée. Madame Clerval s'en tenait au rôle passif. Quand elle avait consenti au mariage de Valancourt, c'était dans la croyance qu'Émilie hériterait de sa tante. Quand le mariage de cette dernière l'eut désabusé de cet espoir, sa conscience l'empêcha de rompre une union presque formée. Mais sa bienveillance n'allait pas jusqu'à faire une démarche qui la décidât entièrement. La modération que lui avait recommandée Émilie et les promesses qu'il lui avait faites arrêtèrent seules l'impétuosité de Valancourt, qui voulait courir chez Montoni et demander avec fermeté ce qu'on refusait à ses prières. Il se borna à renouveler ses sollicitations et les appuya de tous les arguments que pouvait fournir une situation comme la sienne. Plusieurs jours se passèrent, en représentation d'une part et en inflexibilité de l'autre. Soit par crainte, soit par honte, ou par la haine qui résultait de ces deux sentiments, Montoni évitait soigneusement l'homme qu'il avait tant offensé. Il n'était ni attendri par la douleur qui se peignait dans les lettres de Valancourt, ni frappé de repentir par les solides raisonnements qu'elles contenaient. À la fin, les lettres de Valancourt furent renvoyées sans être ouvertes. Dans son premier désespoir, il oublia toutes ses promesses, excepté celle d'éviter la violence, et il se rendit au château, déterminé à voir Montoni, à tout mettre en usage pour y parvenir. Montoni s'était fait sceller, et quand Valancourt demanda à Madame et Mademoiselle Saint-Aubert, on lui refusa positivement l'entrée. Ne voulant pas engager une querelle avec les domestiques, il partit et revint chez lui dans un état de frénésie. Il écrivait à Émilie ce qui s'était passé, exprima sans restriction les angoisses de son cœur, et la conjura, puisqu'il ne restait que cette ressource, de le recevoir à l'insu de Montoni. À peine eut-il envoyé la lettre que sa passion se calma. Il comprit la faute qu'il avait commise, en augmentant les chagrins d'Émilie par le trop fidèle tableau de ses peines. Il eût donné la moitié du monde pour recouvrer son imprudente lettre. Émilie néanmoins fut préservée de la douleur qu'elle aurait pu en recevoir. Madame Montoni avait ordonné qu'on lui portât les lettres pour sa nièce. Elle lut celle-ci. Elle y vit avec colère la manière dont Valancourt y traitait Montoni. Elle exhala son ressentiment et mit enfin la lettre au feu. Montoni, pendant ce temps, toujours plus impatient de quitter la France, pressait les préparatifs de ses gens et terminait à la hâte tout ce qui pouvait lui rester à faire. Il garda le plus profond silence sur les lettres où Valancourt, désespérant d'obtenir plus et modérant la passion qui l'avait fait sortir de la règle, sollicitait seulement la permission de dire adieu à Émilie. Mais quand Valancourt apprit qu'elle allait partir sous peu de jours, et qu'on avait décidé qu'il ne la verrait plus, il perdit toute prudence, et dans une seconde lettre, il proposa à Émilie de former un mariage secret. Cette lettre fut livrée à Madame Montoni, et la veille du départ arriva sans que Valancourt eût reçu une seule ligne de consolation, ou le moindre espoir d'une dernière entrevue. Cependant, Émilie était abîmée dans cette espèce de stupeur où des malheurs subis et sans remède peuvent quelquefois plonger l'esprit. Elle aimait Valancourt avec la plus tendre affection. Elle s'était accoutumée longtemps à le regarder comme l'ami et le compagnon de sa vie entière. Elle n'avait pas une idée de bonheur à laquelle son idée ne fût jointe. Quelle devait donc être sa douleur au moment d'une séparation si prompte, peut-être éternelle. et à un éloignement où les nouvelles de leur existence pourraient à peine parvenir, et cela pour obéir aux volontés d'un étranger, à celles d'une personne qui récemment encore provoquait leur mariage. Son agitation fut si forte, en réfléchissant sur son état et sur l'idée de ne plus voir Valancourt, qu'elle se sentit prête à perdre ses sens. Elle chercha des yeux quelque chose qui la ranima. Elle vit la fenêtre et eut assez de force pour l'ouvrir et s'y reposer. L'air ranima ses forces. Le clair de lune, qui tombait sur une longue avenue d'ormes au-dessous d'elle, l'invita à essayer si ses mouvements et le grand air ne calmeraient pas l'irritation de tous ses nerfs. Tout le monde dans le château était couché. Émilie descendit le grand escalier, traversa le vestibule, d'où un passage conduisait au jardin. Elle avance doucement, ne voit personne, ouvre la porte et entre dans l'allée. Émilie marchait avec plus ou moins de vitesse, selon que les ombres la trompaient. Elle croyait voir quelqu'un dans l'éloignement et craignait que ce fût un espion de Madame Montoni. Cependant, le désir de revoir ce pavillon où elle avait passé tant de moments heureux avec Valancourt, où elle avait admiré avec lui cette belle plaine du Languedoc et la Gascogne, sa douce patrie, ce désir l'emportait sur la crainte d'être observée. Elle alla vers la terrasse qui se prolongeait dans tout le jardin du haut. Elle dominait sur celui du bas et y communiquait par un escalier de marbre qui terminait l'avenue. Quand elle fut aux marches, elle s'arrêta pour un moment et regarda autour d'elle. La distance où elle était du château augmentait l'espèce d'effroi que silence, l'heure et l'obscurité lui causaient. Mais s'apercevant que rien ne pouvait justifier ses craintes, elle monta sur la terrasse, dont le clair de lune découvrait l'étendue, et montrait le pavillon tout à l'extrémité. Émilie s'approcha du pavillon et y entra. Tout à coup la frayeur suspendit ses larmes. Elle entendit une voix près d'elle dans le pavillon. Elle fit un cri, mais le bruit se répétant, elle distingua la voix chérie de Valancourt. C'était lui, c'était Valancourt qui la soutenait entre ses bras. Pendant quelques moments, l'émotion leur ôta la parole. « Émilie, dit enfin Valancourt en pressant sa main dans les siennes. Émilie, il se tut encore et l'accent avec lequel il avait prononcé son nom exprimait sa tendresse aussi bien que sa douleur. Oh, mon Émilie, reprit-il après une longue pause, je vous vois encore, j'entends encore le son de cette voix. J'ai erré autour de ce lieu, de ces jardins pendant tant de nuits, et je n'avais qu'un si faible espoir de vous trouver. Quand il fut un peu remis, il lui dit « Je suis venu, ici aussitôt, après le coucher du soleil. Je n'ai cessé depuis de parcourir les jardins et le pavillon. J'avais abandonné tout espoir de vous voir. Mais je ne pouvais me résoudre à m'arracher d'un lieu où j'étais si près de vous. Je serai probablement resté jusqu'à l'aurore, autour de ce château. Vous me quittez, lui disait-il. Vous allez sur une terre étrangère. À quelle distance? Vous allez trouver de nouvelles sociétés, de nouveaux amis, de nouveaux admirateurs. On s'efforcera de me faire oublier. On vous préparera de nouveaux liens. Comment puis-je savoir cela, et ne pas sentir que vous ne reviendrez plus pour moi, que jamais vous ne serez à moi. » Sa voix fut étouffée par ses soupirs. Oh, « croyez donc, dit Émilie, que l'affliction que j'éprouve vienne d'une affection légère et momentanée. Vous le croyez ?»« Souffrir, interrompit Valancourt, souffrir pour moi. Oh, Émilie, qu'elles sont douces, qu'elles sont amères, ces paroles. » Je ne dois pas douter de votre constance, et pourtant telle est l'inconséquence du véritable amour. Il est toujours prêt à accueillir le soupçon. Lors même que la raison le réprouve, il voudrait toujours une assurance nouvelle. À présent, je vous tiens dans mes bras. Encore quelques moments, mais ce ne sera plus qu'un songe. Je regarderai, je ne vous verrai point. J'essaierai de recueillir vos traits, et l'imagination affaiblira votre image. J'écouterai vos accents, et ma mémoire même les taira. Je ne puis, non, je ne puis vous quitter. Pourquoi confierions-nous le bonheur de notre vie à la volonté de ceux qui n'ont pas le droit de le détruire et qui ne peuvent y contribuer qu'en vous donnant à moi? Oh, Émilie, osez-vous fier à votre cœur? Osez être à moi pour toujours? Sa voix tremblait, il se tut. Émilie pleurait et gardait le silence. Valancourt lui proposa de se marier un instant. Elle quitterait, au point du jour, la maison de Madame Montoni, et le suivrait à l'église des Augustins, où un prêtre les attendrait pour les unir. Émilie se tut encore. Le silence avec lequel elle écoutait une proposition que dictait l'amour et le désespoir, dans un moment où elle était à peine libre de la rejeter, quand son cœur était attendri de la douleur d'une séparation qui pouvait être éternelle, quand sa raison était en proie aux illusions de l'amour et de la terreur, ce silence encourageait les espérances de Valancourt. « Parlez, mon Émilie, lui disait-il avec ardeur. Laissez-moi entendre votre voix. Laissez-moi entendre de vous la confirmation de mon destin. » Elle restait muette, ses joues étaient glacées, ses sens étaient prêts à défaillir. Cependant, elle n'en perdit pas l'usage. Émilie, fort agitée, ne quitta pas Valancourt, mais elle le fit sortir du pavillon. Ils se promenèrent sur la terrasse, et Valancourt continua. Ce Montoni, j'ai entendu des bruits étranges à son sujet. Êtes-vous certaine qu'il est de la famille de Madame Quesnel et que sa fortune est ce qu'elle paraît être? Je n'ai pas de raison pour en douter, reprit Émilie avec crainte. Je suis sûre du premier point. Je n'ai aucun moyen de juger de l'autre. Et je vous prie de me dire ce que vous en savez. Je le ferai, sûrement, mais cette information est très imparfaite et très peu satisfaisante. Le hasard m'a fait rencontrer un Italien qui parlait à quelqu'un de ce Montoni. Il parlait de son mariage, et l'Italien disait que si c'était celui qu'il imaginait, Madame Chéron ne se trouverait pas fort heureuse. Il continua d'en parler avec très peu de considération, mais en termes très généraux, et donna quelques ouvertures sur son caractère qui excitèrent ma curiosité. Je hasardai quelques questions. Il fut réservé dans ses réponses, et après avoir hésité quelque temps, il avoua que Montoni, d'après le bruit public, était un homme perdu quant à la fortune et à la réputation. Il dit quelque chose d'un château que possède Montoni au milieu des Apennins, et de quelques circonstances relatives à son premier genre de vie. Je le pressais d'autant plus, mais le vif intérêt que je mettais à mes questions fut, je crois, trop visible, et l'alarma. Aucune prière ne put le déterminer à m'expliquer les circonstances auxquelles il avait fait allusion, ou à m'en dire davantage sur Montoni. Je lui observai que, si Montoni possédait un château dans les Apennins, cela semblait indiquer quelque naissance, et balancer la supposition de sa ruine. Il secoua la tête et fit un geste très significatif, mais il ne répondit point. L'espérance d'en tirer quelque chose de plus positif me retint, auprès de lui fort longtemps. Je revins plusieurs fois à la charge, mais l'Italien s'enveloppa de la plus entière réserve. Il me dit que ce qu'il avait rapporté n'était que le résultat d'un bruit vague, que la haine et la malignité forgeaient souvent de semblables histoires, et qu'il y fallait peu compter. Je fus contraint de renoncer à en apprendre davantage, puisque l'Italien semblait alarmé des conséquences de son indiscrétion. Il me fallut rester dans mon incertitude, sur un sujet où l'incertitude est presque insurmontable. insupportable. Songez, mon Émilie, à ce que je dois souffrir. Je vous vois partir pour une terre étrangère avec un homme d'un caractère aussi suspect que l'est celui de ce Montenu. Mais je ne veux pas vous alarmer sans nécessité. Il est possible, comme l'a dit l'Italien, que ce Montenu ne soit pas celui dont il parlait. Et pourtant, Émilie, réfléchissez encore avant de vous confier à lui. Oh, je ne devrais plus vous parler. J'oublie, je le sens, toutes les raisons qui m'ont fait tout à l'heure abandonner mes espérances et renoncer au désir de vous posséder à l'instant. Valancourt se promenait à grands pas sur la terrasse, pendant qu'Émilie, appuyée sur la balustrade, s'abîmait dans une profonde rêverie. L'ouverture qu'elle venait de recevoir l'alarmait plus que peut-être elle ne l'aurait dû, et renouvelait son combat intérieur. « Nous avons peu de moments à donner aux récriminations et aux serments, » dit Émilie, en s'efforçant de cacher son émotion. « Si vous êtes encore à apprendre combien vous m'êtes cher et combien vous le serez éternellement à mon cœur, aucune assurance de ma part ne saurait vous en convaincre. » Ces derniers mots expirèrent sur ses lèvres, et ses larmes coulèrent abondamment. Après quelques moments, elle se releva de cet abandon de tristesse, et lui dit « Il faut que je vous quitte, il est tard. On pourrait dans le château s'apercevoir de mon absence. Pensez à moi tant je serai loin d'ici. Ma confiance sur ce point fera toute ma consolation. » Pensez à vous, vous aimez, s'écria Valancourt. Essayez de modérer ces transports, dit Émilie, pour l'amour de moi. Essayez-le pour l'amour de vous. Oui, pour l'amour de moi, dit Émilie d'une voix tremblante, je ne puis pas vous laisser dans cet état. Eh bien, ne me laissez pas, dit Valancourt avec vivacité. Pourquoi nous quitter? Ou du moins nous quitter pour plus longtemps que jusqu'au point du jour. Il m'est impossible, reprit Émilie, il m'est impossible de soutenir de pareils coups. Vous me déchirez le cœur, mais jamais je ne consentirai à cette mesure imprudente et précipitée. Si nous pouvions disposer du temps, mon Émilie, elle ne serait pas aussi précipitée. Il faut nous soumettre aux circonstances. Oui, sans doute, il faut nous soumettre, dit Émilie. Je vous ai déjà ouvert mon cœur, mes forces sont épuisées. Pardonnez-moi, Émilie, songez au désordre de mon esprit en ce moment, où je vais quitter tout ce qui m'est cher. Pardonnez-moi, quand vous serez parti, je me souviendrai avec remords de tout ce que je vous ai fait souffrir. Je désirerais vainement de vous voir, ne fût-ce qu'un seul instant, pour adoucir votre douleur. Ses larmes encore interrompirent sa voix. Émilie pleura avec lui. « Je me montrerai plus digne de votre amour, » dit Valancourt à la fin. « Je me prolongerai pas ces moments. Mon Émilie, mon unique bien, mon Émilie ne m'oubliez jamais. Dieu sait quand nous nous rejoindrons. Je vous confie à la Providence. Oh mon Dieu, protégez-la, bénissez-la. » Il serra sa main contre son cœur. Émilie tomba presque sans vie sur son sein. Il ne pleurait plus. Il ne se parlait pas. Valancourt, alors, commanda à son désespoir, essaya de la consoler et de lui rendre l'assurance. Mais elle paraissait hors d'état de le comprendre, et un soupir qu'elle exhalait par intervalles prouvait seulement qu'elle n'était pas évanouie. Il la soutenait, en marchant lentement vers le château, pleurant et parlant toujours. Elle ne répondait que par des soupirs. Arrivée enfin à la porte qui terminait l'avenue, elle sembla se retrouver elle-même. Et regardant autour d'elle, « C'est ici qu'il faut nous quitter, » dit-elle en s'arrêtant. « Adieu, » ajouta-t-elle d'une voix languissante, « quand vous serez parti, je me souviendrai de mille choses que j'avais à vous dire. » Valancourt encore la pressa contre son cœur et l'y tint en silence en la baignant de ses larmes. Les larmes vinrent aussi soulager l'oppression d'Émilie. Ils se dirent adieu et se séparèrent. La pauvre amante se hâta de gagner sa chambre pour y chercher le repos. Mais hélas, il avait fui loin d'elle, et son malheur ne lui permettait plus de le goûter.